Daft Punk n'ont jamais hésité à puiser dans des genres musicaux parfois un peu oubliés comme le rock progressif, le psyché rock ou le space rock. Bref, tous ces trucs des années 70 qui ont eu leur période de gloire avec les cheveux longs. Dans le genre, Todd Rundgren, eh ben c'était pas le dernier. Depuis sa Pennsylvanie natale, il a produit un nombre insensé de groupes et musiciens comme Hall & Oates, les New York Dolls, Patti Smith, Meatloaf, Cheap Trick ou encore XTC. Mais sa production à lui est plus versatile, erratique, insaisissable, si ce n'est ce cœur battant pour le jazz rock progressif. Alors voilà, nous sommes en 1974, Sidewalk Café, Todd Rundgren, et on ouvre ainsi grand les portes de la nuit des temps. Nuit des temps, Radio Duo. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me às bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Bill Wyman avait de quoi se la péter rockstar. Je suis un rockstar, dit-il. Je avais une résidence, je habitais là, à la South of France. Voulez-vous partir with me? Mais Bill, on te rejoint sur la Côte d'Azur en 1974 avec ta basse. Mais sans Mick et Keith, sans les Rolling Stones. Je suis un rockstar. Lived on a mountain. I met her in Trafalgar Square. She was sitting in the fountain. She took off her hat and she had lovely hair. Said smoke marijuana and Copacabana there. South American lady, you've got that crazy beat. Brazilian beauty with the flashing feet. Danced to the music at the Mardi Gras. Then jumped on the Concorde. You're so la-di-da. Took her to a disco in Battersea. I asked her to dance, and then she danced with me. Then I took a chance. Come home with me today, I live in France. We can get there B.E.A. Je suis un rockstar. Je have your residence, je have a tailor. I lost south to France, voulez-vous partir with me, then come and rest tailor with me in France. La nuit des temps, l'international de la danse. Wyman, je suis un rockstar. Et ça, c'est un petit avant-goût de ce qu'on vous prépare avec Ghetto Vibes. Vous savez, c'est l'émission reggae d'Alex juste avant la nuit des temps. Eh bien, avec Alex, on s'est dit que ce serait cool de se faire une spéciale reprise disco-reggae, d'inviter la nuit des temps dans le sound system de Ghetto Vibes et d'inviter Ghetto Vibes sur le dance floor de la nuit des temps. Ce sera 2 heures de kiff reggae et disco, et plein d'autres choses aussi. Alors on vous tient au courant, et en attendant, voici Love to Love You Baby, avec la géniale Rosemary Martins. Bienvenue dans le disco jamaïque. La nuit des temps, Radio Duo. Love to love you. les jeudis soirs de Radio Duo. Nabih Al-Bahl est né à Londres, à côté du très joli Regent's Park. Ses parents sont pakistanais et elle a étudié l'ethnomusicologie pour apprendre à écouter des musiques très différentes, les comprendre et les relier entre elles. Mais son truc, c'est aussi la radio sur NTS. C'est une web radio en Angleterre et elle adore faire la DJ dans les clubs de Londres. Voici Gentle Heart et nous sommes en 2023. Dreaming and seeing, feeling forever, it's never too late. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. If they become harsh or flat, the speaker's high frequency response is peaky or distorted. Direction l'Australie, et plus précisément Brisbane, qui est complètement à l'ouest et en bord de mer. Là-bas gravitent les Cup Sports, au son très côte ouest justement. Et voici Replay. De quoi recommencer, recommencer, recommencer à prendre la vague. Et nous sommes en 2023. Nous sommes en 1975, nous sommes chez Philadelphia International Records, et c'est là que le Philly Sound, que le Philadelphia Sound s'est créé dans les années 60 et 70. C'est là-bas qu'iront se ressourcer Dusty Springfield, David Bowie et même les Jackson 5 lorsqu'ils quitteront la Motown. Et Billy Paul, en 1976, avec cette géniale reprise des Wings. Billy Paul. Right now. La nuit des temps, l'international de la danse. Paul McCartney. La nuit des temps, Radio Duo. C'est notre powerplay de la semaine. C'est Nabi Al-Akbal, Sky River. Et nous sommes à Londres l'année dernière. C'est le moment de regarder vers les étoiles de Saint-Étienne. C'est le moment de lever le nez et de danser le Boogie Night. Le Boogie Night des Heat Wave. Et nous sommes à l'été 1976. Keep on dancing. Everyone the boogie. Boogie, boogie, boogie night. Encore la harpa, des Heat Wave en 1976, parce que c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. C'était une nuit des temps, Love to Love You, avec, pour nous accompagner ce soir sur le dance floor et dans un clubbing qui n'a aucune limite de style et de genre, eh bien il y avait les Daft Punk avec Panda Beer pour peut-être l'un des plus beaux titres de tous les temps, Doing It Right. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire sur les ondes de Dio. Il y avait aussi Todd Rundgren et ses colifichets du rock progressif des années 70. Le Brésil et la voix sublime de Caetano Veloso. Bill Wyman, sauvé des Rolling Stones pendant sa période solo. Rosemary Martins et sa reprise reggae, justement, du Love to Love You Baby. Il y avait aussi les Australiens de Cobsport. Paul et sa géniale reprise Let's Aim In, dont on va écouter la démo signée Paul McCartney dans les bonus dans quelques instants. Nabiha Lakbal en power play cette semaine. Et nous avons accueilli également justement les Heat Waves et leur Boogie Night qui annonce une autre nuit. Une autre nuit radiophonique dans quelques minutes avec l'un des programmes les plus foufou. Je sais pas si on peut dire ça, les plus fous sur les ondes. Un programme fait de machines, de mix, de vinyle, de voix, de plein de sons. Le tout en direct pour naviguer vers la stratosphère. Les ondes, les vibrations. L'inouï dans quelques minutes avec Comme à la radio. Et ses aventures soniques pendant 2 heures sur Dio. Pendant que Dan installe ses machines, justement dans le studio, on poursuit la nuit avec quelques bonus qui vont nous emmener vers Comme à la radio. Et ce sera un peu comme un film de David Lynch. Vous entendrez des choses, c'est presque rien, et hop, à un moment, vous verrez, on plonge dans un autre monde. Et pour réussir tout ça, eh bien, on regarde les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne. Buona notte. Salut. Thank you. Somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door.